Mérès d'Aquavilla, par Eugène Mahon de Monaghan. Entre les villes de la haute Italie qui eurent le plus à souffrir de la tyrannie des princes qui se disputèrent leurs possessions, les armes à la main, Parme fut toujours au premier rang, depuis sa naissance, où elle subit la domination romaine, jusqu'à la moitié du dernier siècle, où le traité d'Aix la concéda à l'Espagne. Ainsi, durant ce long intervalle de 2000 ans, elle travailla presque constamment à reconquérir son indépendance, mais rarement, malgré sa mâle énergie, malgré ses courageux efforts, elle put relever sa tête républicaine. Terrassée au dehors par le nombre toujours croissant de ses oppresseurs, déchirée au dedans par les divisions intestines qui, ensanglantant son sol, augmentaient encore sa faiblesse, elle fut souvent obligée de recevoir un maître, elle qui n'en voulait pas. N'est-ce pas une chose digne de remarque que les dissensions civiles éclatent de préférence dans un pays à l'heure où toute sa force lui est indispensable pour repousser l'invasion étrangère, menaçant ses droits les plus saints? Les annales des peuples fourmillent d'exemples de cette désunion au moment du péril d'un État. C'est donc ainsi que dans ces jours de détresse profonde, alors que les Corrège, les Scaliger, les Visconti, les Sforza et les papes assiégeaient ses portes, alors que les Pallavicini, les San Vitales, portait des atteintes mortelles à ses institutions, à ses libertés, c'est ainsi que Parme fut en proie à des divisions terribles autant que coupables. Nous ne prétendons pas raconter ici l'histoire de ce pays où régnèrent les Farnèses, et si nous avons résumé en quelques traits les principaux pouvoirs qui pesèrent sur lui, c'est qu'à l'époque où commence notre récit, nous le retrouvons en lutte ouverte, non pour recouvrer cette fois sa liberté ravie par la violence, mais pour décider à qui il appartiendra, des maîtres puissants qui font valoir leurs droits à sa possession. Parme, ayant perdu tout espoir de s'ériger de nouveau en république, ne savait trop pour qui se prononcer entre les deux prétendants rivaux qui la convoitaient. Appartiendra-t-elle à la maison d'Autriche, ou acceptera-t-elle un souverain espagnol? Telle était la question soulevée, tel était le motif d'une guerre qui durait sans trêve depuis près de 7 ans. Les esprits étaient en grand émoi. L'empereur n'avait point les sympathies du peuple en litige. La balance penchait donc en faveur de l'infant Don Philippe, second fils du roi d'Espagne et d'Élisabeth Farnèse. Il y avait cette fois plus d'ensemble dans les masses. Aucune faction réactionnaire ne s'élevait pour s'opposer au mouvement qui se préparait. Un sentiment d'unité animait les citoyens, depuis le premier de la noblesse jusqu'au dernier de la plèbe. Dans ces circonstances orageuses, plusieurs associations s'étaient formées secrètement. On avait confiance dans les lumières du jeune prince, dans sa douceur. Les conjurés avaient choisi pour chef un Castillan du nom de Pérez d'Aquavilla, hardi cavalier dont le nom, devenu célèbre depuis, portait déjà ombrage aux représentants de l'empereur à Parme. Cet homme néanmoins était parvenu à tromper la vigilance des agents autrichiens et avait rassemblé autour de lui une ligue puissante, dans le but d'aplanir le chemin du trône à l'infant Don Philippe. Les plus hautes familles de Parme trempèrent dans cette conjuration, ourdies dans l'ombre, et qui n'attendaient plus qu'un moment propice pour lever l'étendard de la révolte, en appelant à son aide le concours d'une population qui grondait sourdement sous le joug autrichien. Au moment de mettre à exécution cette audacieuse tentative, que l'Espagne avait tout intérêt à soutenir, un traître prévint le duc gouverneur de la ville. Tout échoua. L'Autriche, maîtresse de plusieurs chefs, ne jugea point à propos d'user de clémence. Elle sévit avec rigueur. Plus de 20 conjurés furent décapités sur la place de l'hôtel de ville, Ancionota, et une espèce d'obélisque fut élevée sur le lieu même du supplice afin de perpétuer le souvenir de cet acte sanglant. Des inscriptions furent gravées sur le marbre. Elles contenaient le jugement du conseil et les noms des coupables. Mais tous n'avaient pas subi le châtiment. Plus de 10 membres influents de la Ligue étaient parvenus à s'y soustraire par la fuite. De ce nombre était le principal instigateur, Pérez d'Aquavilla. Jeune, fort, énergique, il avait essayé de défendre ceux qu'on avait entraînés à leur perte. Puis, voyant que toute résistance serait inutile et ne servirait qu'à le faire lui aussi tomber entre les mains des bourreaux, il s'était élancé sur un cheval et, traversant la ville au galop, sanglant, blessé, on l'avait vu franchir la porte Saint-François et disparaître dans la direction des Apennins. Ce qu'il était devenu depuis plus de 15 mois, on l'ignorait. Le gouverneur à qui sa plus belle vengeance échappait, mit à prix la tête du fugitif. Il ne promit pas moins de 8000 paules à celui qui le livrerait vivant, et 4000 à quiconque apporterait son cadavre. Le peuple indigné ne répondit pas à cet appel. Loin de là, l'irritation croissante des esprits inspira assez d'inquiétude à l'Autriche pour qu'elle se crût obligée d'envoyer de nouvelles troupes destinées à renforcer ses garnisons. Et cette précaution n'était aucunement inutile, car de nouveaux germes d'insurrection prenaient racine, une fermentation terrible menaçait à tout moment d'éclater. On considérait comme martyrs les victimes du pouvoir arbitraire que l'Autriche faisait peser sur la ville. On plaignait le vaillant proscrit qui n'avait abandonné la partie qu'à l'instant où elle était réputée perdue. L'espèce de monument élevé dans le but de flétrir à jamais la mémoire de ceux qui avaient succombé était un objet d'horreur pour les parmaisans qui ne le voyaient point sans se découvrir et sans proférer de sombres imprécations. Les choses étaient dans cet état alarmant lorsqu'un matin du mois de janvier 1748, un riche équipage portant des armoiries surmontées d'une couronne de marquis pénétra dans la ville, au grand trot, par la porte Saint-Michel. Il suivit la rue jusqu'à la place principale où il s'arrêta, devant un des plus remarquables hôtels de Parme. Un domestique ouvrit la portière, et une femme grande, belle, brillante de parure et de grâce, s'élança sur la dalle du trottoir. Son vêtement était celui des dames françaises de cette époque. Seulement, ses cheveux noirs, sans poudre, encadraient admirablement de leurs boucles soyeuses, ondoyante, légère, les contours purs et réguliers de son visage. Il y avait répandu sur toute sa physionomie, où s'épanouissaient les roses de la jeunesse, une sévère expression de noblesse et de mélancolie. Ses yeux noirs, recouverts d'une longue paupière aux cils d'ébène, pénétraient l'âme. On se sentait ému, dominé, par la vive flamme qui s'en échappait. L'air était frais, piquant. Le valet lui tendit un manteau de soie ouatée, qu'elle jeta sur ses épaules. Cela fait, elle offrit sa main au personnage qui était resté dans la voiture. Aidé par elle et par un domestique, cet individu descendit lentement le marchepied et eut besoin de s'assujettir avec sa canne d'ivoire sur le sol avant qu'on cessât de le soutenir. C'était un vieillard courbé sous le poids des années. Ses cheveux, blancs sans doute, étaient recouverts d'une triple couche de poudre et se réunissaient vers la partie occipitale de la tête pour former une petite queue enrubannée de noir. Il avait l'habit en velours vert, garni de boutons d'acier aux mille facettes scintillantes. Son gilet fond blanc, parsemé de petites fleurs lilas, s'écartait pour laisser voir un jabot en fine percale, de même que la cravate, et où étincelaient, semblables à des yeux de lynx, deux gros diamants d'une immense valeur. Ses bas étaient tissés de la soie rouge la plus fine, et les boucles de sa culotte, ainsi que celles de ses souliers, étaient en or. De petits rubis s'y trouvaient enchâssés qui dardaient mille rayons au soleil. Une épée à pommeau d'argent ciselée et enfermée dans un fourreau de maroquin pendait à son côté. La figure de ce vieillard avait un singulier caractère d'ironie. Ses petits yeux, sa bouche contractée, son menton double, sa peau mate, lui donnaient quelque chose d'inexplicable, d'étrange. Il y avait un sourire satanique sur ses lèvres moqueuses, et c'est avec peine qu'on pouvait soutenir ce regard perçant, aigu, qui semblait sonder les plus secrets replis du cœur. Il s'appuya sur le bras de la jeune femme pour gravir les quelques degrés du perron de l'hôtel. Le maître accueillit ses hôtes avec toutes les marques d'un profond respect, et après quelques paroles échangées, les conduisit dans un magnifique appartement du premier étage préparé pour les recevoir. Tout ce que le luxe peut déployer de merveille se trouvait répandu à profusion dans cet appartement composé de plus de 15 pièces. Des pets rideaux de damas garnissaient les fenêtres et pouvaient, au besoin, une fois tirés, intercepter le plus faible rayon de lumière. On ne savait point quel était cet homme, ni la belle créature qui l'accompagnait. Jamais leur présence n'avait été signalée à Parme. Le jour qui suivit leur arrivée, le vieillard s'attacha à un domestique parmesan qui devait le suivre dans ses promenades par la ville dont il paraissait curieux de connaître les monuments. Un matin qu'il traversait pédestrement la place de l'hôtel de ville, il s'arrêta devant l'obélisque érigé par les ordres du gouverneur. « Qu'est-ce là ? » demanda-t-il d'une voix grêle à son guide. « Seigneur, c'est le monument qui doit éterniser le souvenir du châtiment qu'ont reçu les rebelles aux volontés de l'Autriche. » Un frémissement parcourut les membres du vieillard. Mais cette impression fut rapide comme l'éclair. Il reprit aussitôt son calme, son impassibilité ordinaire, retira son chapeau qu'il mit sous son bras et resta immobile, appuyé sur sa canne, à contempler cette colonne. On eût dit que, plongé dans sa muette extase, il était devenu aussi insensible que la pierre sur laquelle son regard était obstinément attaché. « c'est bien, » murmura-t-il entre ses dents. Cependant, quelques passants s'étaient arrêtés, surpris de la longue immobilité de cet homme. « Que faites-vous donc, signor ?» se hasarda à demander l'un d'eux. Il tourna lentement son œil investigateur du côté de celui qui l'interpellait et dit d'un ton railleur « J'admire. » « Et que pensez-vous de cela ?»« Je pense que les hommes orgueilleux bâtissent sur le sable. » À cette réplique, l'étonnement de ceux qui l'entouraient redoubla, car ils crurent comprendre le sens énigmatique de ces paroles hardies. Hélas, que diront un jour nos fils en voyant les nobles noms de leurs concitoyens incrustés sur cette pierre d'infamie ? Ajouta l'homme du groupe. Le vieillard hocha la tête en disant à mi-voix « Ils ne les verront pas. » Et la honte ne peut être. Il s'interrompit tout à coup comme s'il eût craint d'en trop dire. « Tenez, signor, » reprit le domestique, « voici le nom de Pérez d'Acuevilla, condamné par contumace à avoir la tête tranchée. Je l'ai vu. Qu'avait-il fait, lui ? C'était le chef. Un homme intrépide !» murmuraient deux ou trois des assistants. « Vous le maudissez ?» interrogea le vieillard d'un ton indifférent. Au lieu de répondre à sa question, ils jetèrent pour la première fois un regard soupçonneux sur lui et s'éloignèrent. À quelques pas, l'un de ces hommes dit aux autres « C'est peut-être un espion du gouverneur, soyons prudents. »« Pourvu que nous n'ayons pas trop parlé déjà, » fit remarquer un autre. « Ils se sont tus, » dit le vieillard en se retournant vers son valet. « C'est qu'ils plaignent Pérez et ses compagnons d'infortune. « Ah, et toi, Arnolfo ?»« Moi ?» « Moi ?» balbutia celui-ci avec un embarras visible. « Tu peux répondre librement. »« Moi, seigneur, je plains les opprimés et j'aime mon pays. » Le vieillard saisit la main de son domestique, la serra silencieusement dans la sienne, et remettant son chapeau, il s'éloigna sans plus rien dire. Lorsqu'après sa promenade, il revint à l'hôtel, la jeune femme, accoudée sur le balcon, l'attendait d'un air d'inquiétude. Du plus loin qu'elle l'aperçut, la joie illumina son front pur. Quant à lui, il leva instinctivement la tête. Leurs regards se rencontrèrent et échangèrent un signe de mystérieuse intelligence. Pendant qu'il montait, toujours appuyé sur le bras d'Arnolfo, la jeune femme, elle, rentra précipitamment et ferma les fenêtres sur lesquelles elle tira les rideaux.